Micro ouvert. Allez, moi j'ai envie de le dire quand même parce que tout part de toi. Hein. Moi je suis en lien avec toi, Binta, ici présente à côté de moi. Et voilà. Est-ce qu'on raconte hein, comment tu as fait connaissance avec tous ces gens qui sont autour de moi? On ne voit pas en radio, mais quoi, on est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est combien? Il y a 19 participants pour l'instant. On était 20. Au départ, il y a un qui a été malheureusement enfermé en centre fermé en vue d'une déportation. Voilà, nous sommes tristes pour ça. Mais du coup, au départ, je connais certaines de ces personnes dans le cadre de mon travail à Douche Flux, où je suis infirmière. Donc, leurs mauvaises conditions d'accueil a amené une épidémie de gale. Attends, leurs mauvaises conditions d'accueil où? À Bruxelles? À Bruxelles. Oh, mais ça porte un nom, hein? À Schaerbeek ou... Ils sont, pour la plupart, habitants du squat du Palais des Droits. Voilà. Oui. Et il y en a... J'ai rencontré plein d'autres qui sont aussi dans la rue et qui viennent à Douche Flux pour se laver et se soigner. Donc, c'est ainsi que, lors des consultations, il y a une relation humaine et j'entends leur histoire et voilà, j'ai été touchée. Et quand j'ai proposé à mes amis s'ils avaient de l'espace, je sais qu'ils ont de l'espace. J'ai dit, est-ce que c'est possible que certains week-ends, des gens qui sont à la rue, qui sont demandeurs d'asile, puissent venir se reposer un peu? Et tout d'un coup, ils avaient 2 semaines. Et c'est comme ça que ça a été organisé. Et donc aujourd'hui, il a neigé. Oui. Mais donc, on se retrouve où ici? Ou pas besoin de le dire, tu vois? Nous sommes dans les Ardennes, dans un lieu chaleureux. Ici, c'est l'école de Clairet, que je connais depuis que je suis arrivée en Belgique il y a 10 ans. C'est un endroit d'accueil, de chaleur humaine, où on a décidé, voilà, avec l'accord des amis, de venir là. On mange bien, on dort bien, on est en sécurité, on s'exprime. Et c'était le but recherché, pouvoir donner un accueil digne et humain à des personnes qui demandent l'asile et qui ont simplement le droit, selon la Convention de Genève, d'être accueillies en attendant de donner une réponse à leur demande d'asile, ce que l'État belge ne fait pas pour l'instant. Et on laisse tout. On va donner le prénom, hein, essentiellement des gars, des jeunes gars là. Ouais, on va faire un tour de parole. On va donner les prénoms et puis du coup, on donnera aussi vos prénoms à vous, hein, parce que vous êtes aussi, vous accompagnez le projet, quoi, d'être présente pendant 15 jours, j'imagine, pour les repas, pour tout ça. C'est comment votre prénom, vous ? Moi, je m'appelle Laurette et je ne suis pas là pour 15 jours, je suis là pour 3 jours. Ok. Je m'appelle Fatma, presque depuis le début, je suis ici, ça fait 2 semaines. Vous êtes avec Binta, vous êtes... Oui, il y a une grande équipe de bénévoles qui se relaient pour que ça soit possible. Et du coup, il y a aussi toi. Mais moi, j'étais là pour 3 jours aussi. Ouais. Et c'est son prénom ? Annabelle. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, c'est les garçons. Alors, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, mais c'est le prénom. What's your name? Wahdat. Seba. Ali. Amis Omar. Jean Bertrand. Mathéola. Habibou. Richard. Pahlawan. Mohammadi. Siraj Khan. Yadgari. Sherzad. Arbakai. Eh bien, merci d'être là, hein, du coup, tous. Merci. Moi, c'est Graziella. OK ? Et on pourrait commencer le tour de parole. Et vous aussi, hein, si vous avez des questions, et même eux, hein, s'ils ont des questions à poser. On pourrait commencer alors. Donc, on a compris que vous étiez ici pour souffler. Est-ce que ça marche vraiment d'être ici pour... souffler. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus ? De prendre un peu de temps, de trouver de la chaleur ? Tu dis ? English ? Non. C'était vraiment super pour eux. We enjoy here a lot. Ils se sont vraiment sentis bien. As ici. It is our own home. Comme si c'était leur propre maison. 20% we came here for watching new things, but 80% we just escaped from our place. 20% du groupe. Non, 20% du temps. Pour 20% du temps. And 80% the reason is we escaped from our place. Okay. Because it's like a present for us. You mean 20% of your group? Like one people? No. Our choices. When we are coming, when she came here for us to come with us. Ce qui a motivé leur raison de venir, pour 20%, c'était... The intention was 20% for enjoying and 80% de intention se was faire plaisir just et 80% de leur raison était surtout d'échapper. D'échapper là d'où ils viennent. Yeah, mais pourquoi c'est plus compliqué de répondre comme ça avec... À qui veux-tu poser la question ? Que lui pose la question aux personnes qui ont envie... Mais... We spent a great time here. We are thanking to you guys that you are with us. Ils ont passé un très bon moment ici et ils sont reconnaissants pour le temps qu'ils ont pu passer là. And thanks for giving us the love to us. Et ils sont reconnaissants pour l'amour qu'ils ont reçu ici. And God bless us. Et Dieu bénisse tout le monde. Et si, peut-être tu veux savoir quelles ont été les motivations d'autres, des personnes qui viennent d'Afghanistan, des Afghans. S'ils ont envie de rajouter quelque chose, parce que moi, j'ai difficile. To say what motivated the choice to come. Otherwise, maybe ask the question to someone. Mega, d'accord, t'as su chidel taragle. Zamindu afte sanga tereshwale. Diga bachi khater bachi nati jamaden. حالات خراب بود یعنی نه سر سرگ نه نان بود نه بود چی بود نه حمام بود that the last place where we are living, there is no showers, no bathrooms, cold weather. So that's why we viennent, ils n'ont pas de salle de bain, de sanitaire avec des douches. Il y fait froid et so no shower. No shower, no. No heater. It's cold. No heater. Yeah, it's very cold. In dirty place. Et, very et dirty une, place. Un endroit très sale. And it's our obligation that we came here. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils sont venus. People are sick. There's an infection from one person to another person. Il y a une épidémie. Tout le monde est malade et se donne une infection. Yeah, no medicine, no doctor. Il n'y a pas de docteur, pas de médicaments. Donc ça, c'est dans le squat à Bruxelles, hein. C'est ça? C'est, ça se passe à la rue des Palais, à Skarbek. Ouais. Et vous, envie de dire quelque chose sur le fait d'être ici, de voir ce décalage entre là-bas et ici. C'est pas trop difficile à vivre, ça non plus, ce décalage entre une vie, entre guillemets, où les gens sont un peu... Comment on dit, gentil avec vous, hein? Ici, nous sommes contents. Et c'est bon, c'est bon. Mais concernant la... pourquoi on n'a pas bien accueilli dans... On n'a pas bien donné la protection internationale pour nous. Tant que le Burundi est... Malgré que tout, nous croyons et nous espérons que ça va aller. Parce que ici, c'est en Belgique. Et il y a le droit de l'homme et on respecte tout. Nous croyons que c'est la question du temps. Tout, ça va aller. C'est tout. Avec le temps, ça va aller, quoi. C'est ça? Ouais. T'as envie de aussi dire quelque chose? Il a tout dit. Il a tout dit. Écoutez, moi, je me sens qu'ici, en Europe, ce n'est pas seulement en Belgique, en Europe, ils maltraitent les étrangers ici. Parce que pour demander l'asile, c'est facile pour eux de te dire, va aller demander l'asile. Mais dès que tu as demandé l'asile, c'est comme tu es rentré dans une prison. Dès ce jour-là, ils ne respectent plus tes droits. C'est ça que ça dit. Partout en Europe, Moi, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu en France, mais on maltraite les gens. Parce que s'il s'agit d'un droit d'étranger, d'immigration, ils s'amusent avec. On ne te rend pas ton droit. On dirait que même les animaux, on respecte les animaux, même que nous, les étrangers qui venaient ici. Mais on a le droit de vivre ici. Parce que c'est eux qui nous ont libéré la porte de rentrer. Mais dès que tu viens, tu rentres, on te dit... Va aller demander l'asile, parce que pour leurs intérêts, c'est pour que tu vas aller demander l'asile. Mais dès que tu demandes l'asile, dès ce jour, c'est comme tu es dans une prison. Tu es obligé d'aller dormir dans la rue, de ne pas manger. Si tu as envie de changer d'un pays, alors tu décides de changer de pays, parce que personne ne va accepter de rester dans un pays, de souffrir des années avec le froid, là, de dormir dans la rue. Et quand tu décides d'aller changer le pays... Alors, quand tu pars de ce pays, on te dit, là, l'Union européenne, la loi, c'est comme ça, il faut retourner le pays là où tu es quitté. Par rapport à moi, nous, toutes les personnes qui viennent ici, c'est pour la majorité, c'est pour échapper à la mort. Mais on ne peut pas venir dans un pays en Europe ici, tu ne sens pas en sécurité. On te dit, forcément, tu vas aller vivre là-bas. Mais ou bien on te pose des questions, après on te répond mal. Si tu en as marre ici, retourne dans ton pays. Et ça, c'est une question... C'est une sorte de maltraitance des humains ici. Parce que quand tu parles ici, les problèmes en Europe, les gens ne voulaient pas parler ça. Ils voulaient juste quand tu viens ici, tu parles les problèmes, pourquoi tu as quitté dans ton pays. Et quoi, pourquoi toi, t'as quitté? Pourquoi? C'est la faute de l'Union européenne. Vous comprenez? Parce que nous, dans nos pays, par rapport en Guinée, on étudie les langues françaises. On a été colonisés par l'Europe. Tous les dirigeants qui sont là-bas, ils se sont formés en Europe ici. Alors ils font des on n'est pas en sécurité chez nous. on sentait en sécurité un peu en Europe ici. Mais quand on vient ici, tu n'oses même pas parler. Quand tu commences à parler, on te dit directement rentre dans ton pays. Alors que c'est eux ici, qui dirigent dans nos pays aussi. Par rapport à nous en Guinée actuellement, c'est un Français qui dirige là-bas. Tu ne pourrais pas venir ici à parler des problèmes de la Guinée. Quand tu parles des problèmes de la Guinée, on te dit retournement, ah, retourne dans ton pays. Alors que là-bas aussi, quand tu es là-bas, tu ne sens pas en sécurité. Nous, si on sent en sécurité dans nos pays, on ne vient pas ici, chacun d'entre nous. Si tu sens... C'est important à entendre ça. S'il n'y a pas de problème au pays, on reste au pays. On reste au pays. Mais quand tu viens ici, on te dit, ouais, Europe, c'est un pays de droits, de liberté. Et alors on voit bien que... Dans les médias, mais par les pratiques, c'est faux. Tu comprends? Par rapport à moi, j'ai subi plein de maltraitances ici, surtout à l'Union européenne. Tu comprends? Mais si j'allais à déclarer à la police, alors on te dit, non, toi, tu es un étranger, tu n'as pas le droit de venir ici, tu n'as pas le droit de réclamer ta droit ici. Tu comprends? Moi, je n'ai pas peur d'exprimer ça. Hein, parce que je sais que si je n'ai pas exprimé ça, ils vont faire des autres personnes. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, les médias ne disent pas la vraie vérité, le problème en Europe. Ils montrent les belles images, ils ne montrent pas les gens comment ils souffrent ici. C'est pour cela que les gens, jusqu'à présent, ils ont le courage de venir en Europe. Parce que s'ils savaient la réalité de ce qui se passe ici, personne ne va venir ici. Mais la média européenne ne montre pas les problèmes, comment les gens vivent ici. Ils montrent que les belles choses, tu vois, alors que la vraie réalité, on vit à l'enfer ici. La vérité, on vit à l'enfer. Parce que moi, depuis que je suis venu à Bruxelles ici, vraiment, j'ai dormi dans la rue. Combien de temps? Ça fait 6 mois comme ça. 6 mois, moi, je suis dans la rue. Quand tu vas demander l'asile, toi, tu étais en Italie, il faut retourner en Italie. Alors que l'Italie, moi, ce n'est pas mon pays. C'était pas moi, je ne suis pas né là-bas. Même là où je suis né, je ne pouvais pas rester là parce que je ne sentais pas en sécurité là-bas. Alors moi, je ne pouvais pas. Moi, je suis un être humain. Même les animaux, si tu les menaces dans les endroits là où ils dormaient tous les jours, ils vont quitter là-bas. Tu comprends? On n'est pas obligé de rester dans un pays là où on peut souffrir. On est d'accord, Voilà, ils vont changer leur système comme ça. On est des êtres humains. Il ne faut pas nous maltraiter ici avec quand tu n'oses pas parler. Hein? Toi, tu as un droit parce que tu es immigration, parce que tu es venu dans un autre pays. Non, toi, tu n'as pas de droit, tu ne dois pas parler. Vous voulez juste, toi, tu dormais dehors, on vient avec une plate de biscuits comme ça, on t'offre comme ça, comme des animaux comme ça. Même les animaux font mieux respecter qu'ici, que nous. Ça fait 6 mois que tu es là et c'est comme tes amis là-bas qui disent tu es patient, tu vas attendre, c'est quoi la suite? Non, parce qu'eux, ils ne connaissent pas. C'est ça qu'on leur donne à manger chaque jour, patient. Tu vas patienter jusqu'à ce que tu es mort dans la rue. C'est ça l'avenir ici. Patiente. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Alors qu'il faut que l'État change. C'est l'État qui peut faire. Il faut que l'État change le système. Par exemple, en Belgique, il y a beaucoup de maisons. Mais l'État voit comment les gens dorment dans la rue. Mais il faut pitié les gens. Il ne faut pas oublier si ils ne vont pas accueillir tout le monde. Ne doit pas obliger les gens, tout le monde. Si tu demandes à l'asile, demander l'asile, c'est plus facile. La porte est ouverte pour tout le monde. Mais dès que tu as demandé l'asile, tu peux rester pendant 1 an, 6 mois, 7 mois dans la rue. Pourquoi? S'ils acceptent pour que tu demandes l'asile, ils doivent te accueillir d'abord. L'État doit respecter les droits des personnes d'abord. Mais comment nous, on va respecter les droits? Comment on va respecter le droit sans que l'État nous enseigne bien? Mais l'État s'en fout, tout le monde, pour son salaire. Je vais ouvrir la question, mais qu'est-ce qu'il y a moyen de faire contre... Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire contre le fait qu'on ne vous accueille pas? Il y a moyen, comme le projet ici, de vous accueillir comme ça 15 jours, mais vous allez devoir quand même retourner là-bas, maintenant, à Bruxelles, demain. C'est quoi le... Comment vous... Enfin, lui... C'est la responsabilité de tous les Belges. Ils n'ont pas accepté un état de non-droit. C'est un état de non-droit. La Belgique, l'État est condamné plus de 2000 fois pour ne pas donner l'asile à des personnes qui sont en demande d'asile. Mais quand on voit justement c'est la responsabilité des médias de prévenir les Belges que nous vivons dans un état de non-droit. Réellement un état de non-droit. Ce n'est pas des paroles en l'air. Oui, je suis d'accord avec ça. Et de montrer la façon inhumaine dont on traite les personnes. Quand tu arrives au squat du palais, des tas de poubelles. Il y a que 3 toilettes à chaque étage. Pour combien de personnes ? Pour environ 1000 personnes qui habitent dans ce squat. Quand tu rentres dans ce bâtiment, c'est l'odeur qui t'accueille. C'est incroyable comment on peut passer à côté de cela. Et tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de mettre des agents de sécurité là, soi-disant qu'il y a des coups de couteau par-ci, par-là. Quand moi je vais pour les voir, parce que j'ai organisé ce voyage en allant plusieurs fois là où ils habitent, je suis toujours invitée à prendre du thé, je ne me suis jamais sentie... C'est important que tu dises le squat, comme ça on comprend, parce que là où ils habitent... Okay. Au squat du palais, ouais. Je ne me suis jamais sentie en danger, je suis toujours passée là, ils m'ont accueillie, fait du thé, donné des biscuits. C'est vrai, hein? tu peux leur dire ce que je dis là. Traduction. And treats and that she doesn't feel in danger because other media tend to present this place as a dangerous place. Chez nous aussi, j'ai toujours été bien accueillie. Et donc, il y a quelques personnes en difficulté. Ça, je les ai croisées aussi dans le couloir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques personnes qui sont en difficulté. Mais ces gens doivent aussi être pris en charge et aidés et soignés. Bon, c'est comme ça, ça fait partie de la société. Mais c'est faux de présenter le squat comme un endroit où il y a des couteaux qui se promènent. Mais vous pouvez aussi dire votre avis, c'est vous qui vivez là. C'est important qu'il y aurait que de la violence et que des couteaux, alors que ce n'est pas vrai. Ça, je n'ai pas vu. Donc, si je parle de la rue du Palais, je n'ai pas vu des violences et des coups de couteau. Pourtant, je suis allée plusieurs fois. J'ai même aidé à nettoyer la cour et débarrasser les poubelles. Mais tu parles de ça, Binta, parce que tu as lu ça dans le journal. Oui, j'ai lu ça dans le journal où ils sont venus présenter les agents de sécurité que la commune a mis en place. Donc c'était pour montrer que mettre des agents de sécurité était une bonne idée. Donc du coup, on va écrire une histoire qui colle avec la présence des agents de sécurité. Mais voilà, moi je ne reconnais pas ce lieu dans cet article. Est-ce qu'on peut essayer d'aborder ça, de le traduire, d'essayer de qu'ils comprennent bien ? Comme ça, on peut un peu développer cette idée que c'est comme s'ils étaient des criminels, en fait, tu vois, comme s'ils étaient violents. Et ça, c'est dans les médias classiques que c'est écrit, alors que c'est autre chose qui se passe dans la réalité, quoi. Et de développer ça un peu. Qu'est-ce que vous pensez de la violence et de la sécurité dans le squat ? Ce que nous pensons, c'est que dans notre bâtiment qui se trouve à Rue des Palais, et il y a pas mal de violence parce que entre nous, il y a des personnes qui poignardent les autres avec un couteau. Mais ça, c'est pour le manque de sécurité. Donc... Mais quand tu dis entre nous, il y a des autres, mais j'imagine qu'il y a peut-être une ou deux personnes, mais c'est pas la majorité des gens, des jeunes, quoi. Oui, c'est pas la majorité, mais je sais pas son nom. Non, mais on s'en fout de son nom, mais c'est j'aimerais vraiment que vous compreniez. Attends, j'aimerais vraiment que vous compreniez ce que Binta veut dire et ce que moi aussi je veux dire. C'est-à-dire qu'on vous fait passer pour des criminels dangereux, vous comprenez ? Dans les médias, on vous est décrit comme des violents, qu'il faut une sécurité pour vous gérer. Et on aimerait... Binta, qui va souvent vous voir, si j'entends bien, n'a jamais vu de scène de violence, c'est ça, hein? Et que du coup, on aimerait comprendre, et j'aimerais entendre vous ce que vous avez à dire sur ça, quoi. J'ai quelque chose à ajouter. Bon, tu vois, nous étions là-bas il y a quelques mois. Nous, les demandeurs d'asile, on était bien et calmes. Il y a un téléphone qui vibre. Je l'entends dans... C'est pas grave. Hein. Nous, on était bien et calmes. Mais il y a d'autres personnes. On ne sait pas si c'est des voyous de la quartier, des dealers. Ils sont vu le squat et ils ont vu que c'était libre, quoi. Et puis, ils sont venus juste pour y insérer. C'est eux qui poignardent les gens. Ils ne vivent pas avec nous. Ils vivent dans des étages en haut. Il y a des fois où quelqu'un est sorti une arme. Il était la nuit, on a appelé la police. Mais les demandeurs d'asile, jamais ils ne font ça. C'est d'autres gens, on ne sait pas. Il y a beaucoup de Marocains là-bas. C'est eux qui font beaucoup de bagarres, quelque chose comme ça. Oui, enfin, ce qu'on comprend, c'est que c'est un squat, donc c'est déjà une vie difficile. Et donc, tout le monde en profite, les gens dehors, et il y en a qui sont déjà plus, qui ont une vie encore plus difficile dans la drogue, c'est compliqué, voilà. Mais c'est pas l'essentiel des gens qui s'y trouvent, quoi, voilà. Parce qu'on s'en fout qu'ils soient marocains ou qu'ils soient... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bon. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose là-dessus? Ok, moi, je ne parlais pas à rapport avec le Paris, parce que là-bas... Tout ce qui se passe là-bas au palais, c'est déjà officiel. Beaucoup de médias parlent. Il y a beaucoup de médias de la Bruxelles. Ils viennent chaque fois nous interroger des questions, voir comme tout ce qui se passe là-bas au palais. Maintenant, je n'ai pas quelque chose à ajouter parce que jusqu'à maintenant, c'est officiel. Mais je me demande comment. C'est officiel? C'est officiel. Tout ce qui se passe là-bas au palais, tout le monde est connu. Tout le monde connaît ce qui se passe là-bas, c'est ouais. Ça que tu dis? Il n'y a pas de sécurité là-bas. C'est bizarre. Et moi, je me demande comment un pays comme Belgique peut laisser les demandeurs d'asile dans la rue. Même en Afrique, jamais. Jamais en Afrique. S'il y a des réfugiés entrés dans un pays en Afrique, ils construisaient les tentes. Ils ne peuvent pas laisser les réfugiés dans la rue. Et pourquoi un pays comme Belgique peut laisser les demandeurs d'asile dans la rue? Moi, je me demande ça. Est-ce que je peux... C'est vraiment bizarre. Mm. Ouais, c'est très bizarre. C'est pas bizarre. Parce que je pense que c'est pas bizarre parce que je pense que les politiques jouent avec la migration pour obtenir... pour créer de la peur... et obtenir des votes. Il crée la peur. Les gens ont peur. Grâce à vous. Oui, il crée la peur de vous. De ouais. Vous et d'autres migrants. Il s'imagine que l'Europe va être envahie. Enfin, ils ne s'imaginent pas. Ils savent très bien que l'Europe ne va pas être envahie. Mais ils font que les gens ont peur que l'Europe soit envahie. Et alors les gens votent pour eux. Parce que quand on crée la peur et qu'on dit « moi, je suis votre sauveur », à des gens qui sont mal informés, eh ben voilà ce qui se passe. Les gens votent pour ces gens-là. Donc ils savent ce qu'ils font. Ils vous utilisent. Ça, c'est ce que je crois. On est devenus des marchandises ici. Hein. C'est ça qu'on a dit. Tout le monde, ça, les gens ne connaissent pas, mais on est des marchandises pour eux. Tu comprends? Même les marchandises des biscuits dans les supermarchés, c'est mieux protégé que nous. Tu comprends? Les biscuits des supermarchés, ça c'est protégé. Mais nous, non. Mais ils nous utilisent pour avoir des pouvoirs. Vous comprenez? Mais nous, en tant que les immigrants aussi, on ne se comprend pas, on ne se respecte nous-mêmes pas. C'est ça notre problème aussi. Parce que si on se respecte nous-mêmes, vraiment, les choses vont changer. Parce que c'est à cause de l'État aussi, les gens deviennent délinquants. Parce que si tu n'as pas quelque chose à manger, c'est ça qui est important. Là où à dormir, ça oblige les gens. Moi, à Bruxelles, ici, je me sens en sécurité. Mais à Bruxelles, je ne me sens pas en sécurité. Parce que tu vas être tout le temps méfié. Tu vas être tout le temps méfié de quelqu'un qui va venir t'agresser. Parce que tout le monde est faim. Les immigrants qui dormaient dans la rue, il y a beaucoup qui sont faims. Il y a d'autres, il faut se méfier. Il faut se méfier. Sinon, quelqu'un, moi, là, des fois, là où je dormais dans la rue, des fois, il y a des gens même qui venaient ici, qui essayaient de m'agresser la nuit là-bas. Parce qu'ils n'ont pas quoi de manger. C'est très dangereux. Il faut que l'État change ce système. Les gens qui profitent, les gens pour vivre, pour avoir des élections, pour gagner des votes, les populations doivent se méfier de ces gens-là. Parce que ce n'est pas ça qui va changer le système. Parce que si on souffre ici en Belgique, c'est Belgique qui souffre. Ce n'est pas nous qui souffrons ici, c'est Belgique qui souffre. Parce que si on souffre ici en Belgique, quand un touriste vient en Belgique, par exemple, il voit comment les gens dormaient dans la rue. Voilà, moi, le premier jour, je suis arrivé en Belgique. J'ai douté, j'ai dit, moi, je ne suis pas là où j'entends Belgique, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici que j'entends. On m'a dit, bien sûr, c'est ici, c'est Bruxelles. J'ai dit, non, ici, ce n'est pas Bruxelles. Moi, je n'imaginais pas que je vais venir trouver que les gens vivent comme ça en Belgique. Tu ne savais pas que les gens vivaient comme ça en Belgique? C'est ça que tu dis? Oui, je n'ai jamais imaginé ça. Tu veux dire quoi? Tu n'as jamais imaginé que tu sois pas, qu'on ne vous accueille pas, quoi? Oui. Tu n'as jamais imaginé ça? Je n'ai jamais imaginé ça. Je veux dire, il y a un problème de papier, ça va être difficile un peu. Mais problème d'habitation, là où dormir ou bien manger, j'ai pensé que ça sera un peu facile. Sera facile. Mais c'est très difficile en Belgique. C'est très difficile. Moi, des fois, je suis obligé d'attacher une corde dans mon ventre. À Bruxelles, je mange qu'une seule fois dans la journée. Des fois, je ne mange pas. Mais ce n'est pas comme tout le monde qui va tenir comme moi. Mais il y a d'autres qui n'osent pas tenir ça. Ils sont obligés de voler quelqu'un ou bien agresser quelqu'un pour manger. Et c'est l'État qui va créer les problèmes et qui va créer le danger pour les populations même. Il faut que si y a, par exemple, s'il y a une dame qui sort, il a quelque chose ou il a un téléphone. S'il ne se méfie pas, quelqu'un va le blesser à cause de son matériel. Parce que tout le monde a faim. Il y a d'autres, pour manger, ils sont obligés de voler. Mais ça, l'État, il le sait, hein. Ça semble... Des immigrés, les gens qui, ici, ne mangent pas, comment ils vont devenir? Ils vont devenir agressifs. Ils vont devenir agressifs. Il faut que ça change. Il dit qu'après, les étrangers, entre eux, ne se comprennent pas. Mais il faut se méfier de ces politiques. Je reviens à l'histoire de la violence dans le squat. Quand je les entends, vous dites aussi qu'il y a trop de violence et que ce sont les Marocains. Il faut faire attention. Tout ça est calculé par les politiques pour vous mettre contre les Marocains. Mais est-ce que c'est tous les jours qu'il y a vraiment des bagarres là-bas? Vous croisez aussi et les Marocains, les Syriens, les Afghans et tout. Vous vivez toujours là-bas. Donc, ils utilisent cet événement pour faire croire que vous aussi, vous êtes dangereux. Donc, chez l'opinion publique, ils ne pensent pas qu'il y a des Marocains. Ils se disent, les étrangers, les demandeurs d'asile sont très violents parce qu'ils sont dans un bâtiment, ils sont en train de s'entretuer. Donc, ça veut dire qu'on doit évacuer le squat. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus pour dire, ne vous laissez pas avoir. Et voilà. Vous comprenez? Vous comprenez ce que dit Binta? Oui, c'est compréhensible. Envie de rajouter quelque chose? Non? Qu'est-ce qu'on pourrait aborder? Qu'est-ce que vous avez envie, vous, d'aborder dans le... We left our country because there our life was in danger. On a quitté notre pays parce que là-bas notre vie était en danger. We see a lot of problems in the way. Finally, we came to the Belgium. We see a lot of the problems in the route to coming to et Belgium. Sur le chemin pour venir jusqu'en Belgique, on a rencontré beaucoup de problèmes. When we arrived to Belgium, we were thinking that is the place where we are safe, we will et be in facilities. Et quand on est arrivé en Belgique, on a pensé que c'était l'endroit où on serait en sécurité, où on trouverait les outils, les facilités. Yeah, we will be safe here, but when we did asylum. When we did asylum, they just gave us a paper that we don't have place for you. Donc quand on a demandé l'asile, on nous a juste donné un papier qui dit qu'il y a pas de place pour nous. And just wait for FEDASIL to give you place. Et de simplement attendre à FEDASIL qu'on nous attribue un endroit. So now it's almost my third month here in Belgium. C'est seulement mon troisième mois ici en Belgique. So if the government, there the humans are working, they should feel us that one person without money, without clothes, without shelter, how he can live? Et comment est-ce qu'une personne sans argent, sans vêtements, sans lieu, sans nourriture, comment est-ce qu'on est supposé vivre? Yeah. So if anything bad happened to us, because at the first we were living in the streets, it's not good for us. We see ourselves bad. Because it was interruption for the people, for Belgian people. Belgian people are good people. They always help us. Les Belges sont des personnes bonnes qui nous aident. C'est pas le problème des Belges. Belgian people, they always help us. They always coming. They come and just ask them if you need something. Est-ce que les personnes belges viennent et pour aider, pour demander si on a besoin de quelque chose? To be honest, I'm not a beggar. Mais pour être sincère, je suis pas quelqu'un qui quémande. I was an officer in my country. J'étais un officier dans mon comté. I had a good life. J'avais une bonne vie. I don't want to live a life of a beggar to be on the roads. Je veux pas vivre une vie de quémandeur sur les routes. Even I request to release my fingers in Belgium. I want to go to another country. Can you say that again? I did asylum here. My fingers are c'est in Belgium. Yeah, French. Et il a fait ses empreintes digitales en Belgique, mais en fait, il veut pas to rester. To another country, ici, because here I cannot see myself safe. Il se trouve pas en sécurité ici. And one request from the government: if they don't have place, please stop asylum. What do you mean? The please stop the place of asylum. Don't accept immigrants. Don't et donc si, ok, donc si dans ce pays il n'y a pas la place pour des immigrés, alors arrêtez de donner l'asile. Is that what you say? Yeah. Stop asile. Stop accepting immigrants. Ouais, arrêtez d'accepter des immigrants. En fait, accepter la demande d'asile suppose qu'on prend les empreintes digitales. Et ça fait que tu ne peux pas demander l'asile dans un pays voisin, par exemple, alors qu'ils voudraient le savoir dès le départ pour ne pas laisser leurs empreintes digitales. Mais moi, je voulais dire, en fait, ce n'est pas une question de place. Et ils sont obligés, selon la Convention de Genève, d'accueillir une demande d'asile et de l'accueillir dignement. C'est juste une question de volonté politique et de politique de répression, de traitement inhumain des personnes. Malheureusement. Si je comprends bien, moi encore, c'est que... Comment tu t'appelles, ton prénom? Your name. Khalidi. Khalidi. Il voulait venir ici, en Belgique, demander le droit d'asile, parce que normalement, on sait que c'est comme ça que ça se passe. Il a fait les empreintes digitales, mais limite, il aurait dû savoir que c'était pas possible, parce qu'alors, il aurait demandé ailleurs, quoi. C'est ça. Le droit d'asile. So you... Ce que dit Binta encore, hein, le... de lui dire à lui si c'est bien ça. So in a way, you would have preferred not doing the prints here in Belgium and to do this in another country. No, I didn't this because I was thinking that Belgium is a good place. I was just search in Google. Il pensait que la Belgique était un pays, une bonne place pour lui. I just learned it was my fault. I just learned about the people of Belgium. Il vient de comprendre que c'était sa faute. But I didn't learn anything about the politics, the government of the Belgium. Do you feel that it was a betrayal, or in a way, do you feel betrayed? Between what you thought and what the reality. Yeah, Donc je crois qu'en un sens, ça veut dire qu'il y a un sentiment de trahison entre ce qu'il a espéré trouver en Belgique et ce qui est la réalité en Belgique. Yeah. If right now, if they free my fingers, if they give me just go to another country, your fingers is not much in Belgium, so I'm ready to go to another country. En fait, à partir du moment où on lui dirait c'est ok, même si on a tes empreintes, mais tu peux aller dans un autre pays, lui, il est prêt pour aller dans un autre pays. Voilà, c'est ça que je comprends, ça doit être horrible. Do you feel like trapped in Belgium? Yeah, t'es coincé ici. They don't let me to go anywhere. They just make me mad here. On le laisse pas aller anywhere dans d'autres endroits. Il est coincé ici. Parce que t'as fait les empreintes digitales en faisant ta demande d'asile. Because you did the prints here when you asked for asile. Yeah, I just print here. So now I'm stretched here. I cannot go anywhere. Dingue, c'est dingue. A few of my friends went to France from Belgium. Certains de mes amis sont allés en France. Yeah, when they from did Belgium? From Belgium. Ils étaient en Belgique et ils sont allés en France. They were there 3 months. They didn't provide a center to them, so they went to France. When they did asile in France, the Belgium government say send them back to me. Ils sont allés en France, ils ont passé 3 mois en France, and then the Belgian government asked them. Yeah. Et la Belgique a réclamé que la France leur renvoie ces personnes en Belgique. And they are still homeless on the roads. Et ils sont toujours sans abri sur les routes en Belgique. So it was the big mistake of our life that we did asile in Belgium. Pour lui, c'est la. Do you think your friends agree with you? Yeah, 100%. Et en fait, pour les personnes qui sont ici, pour les Afghans qui sont ici aujourd'hui, c'est la plus grosse erreur de leur vie d'avoir fait leur demande d'asile en Belgique. Yeah, because we didn't. We just learned about the people of the Belgium that they have very good people, but we didn't know about the government of the Belgium, which such bad government. Ils n'étaient pas au courant avant d'arriver de à quel point le gouvernement belge est mauvais pour eux en fait. Je ne suis pas juriste, mais cette question de mettre ses empreintes est une politique européenne. C'est ça qu'ils appellent la loi Dublin. Donc, ce que tu déposes tes empreintes d'abord en France ou en Allemagne ou ailleurs en Europe, c'est la loi Dublin et c'est le premier pays où tu as mis tes empreintes qui compte. Maintenant, après un certain temps, on lève cette loi Dublin pour que tu puisses déposer ta demande d'asile. Je pense que c'est... Ailleurs, alors. Oui, c'est ça. Ses amis étaient dans les 3 mois, je pense. C'est pour ça qu'on dit, c'est la Belgique qui est compétente, puisque c'est là que tu as déposé. Et c'est pour ça que quand ils traversent la Serbie et les pays, ils ne veulent pas qu'on prenne leurs empreintes là, parce que dès qu'on prend ton empreinte, tu es piégé pour... 3 mois, alors. 3 mois. Ouais, moi, je crois que c'était toute la vie, tu vois. Déjà... Je pense que c'est 3 mois, mais ça c'est injurieux. Pas sûr. Confirmé. Ah, 6 mois. Voilà. 6 mois. Oui. Vous aussi, c'est comme ça que ça. Non, c'est la loi qui dit comme ça. Oui, mais non, mais vous aussi, vous avez fait des empreintes digitales. Oui, ici en Belgique. Ici en Belgique. Non, on n'a pas de Dublin. Vous serez pas dupliné. Vous serez pas obligé de quitter la Belgique parce que vous avez vos empreintes dans un autre pays. Dublin parmi nous. Non. Nous n'avons pas des empreintes dans d'autres pays, seulement en Belgique. Vous devez attendre 6 mois, si vous voulez. C'est ça, hein? Il y en a déjà qui ont des Dublin. Et parmi eux, on les a donné l'ordre de quitter le territoire de Belgique. Et pour qui ne sont pas d'accord à retourner dans le pays là qu'on a mis des empreintes, s'ils veulent rester ici, il faut attendre 6 mois. Pendant 6 mois, Cette empreinte digitale sera effacée pendant 6 mois. Donc, c'est pas 3 mois. Donc, le Belgique nous a montré que. Allemagne, mais partout, les mêmes. Ils devenaient une prison. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de quoi là? Ouais, j'ai dit l'Union européenne est devenue une prison pour les immigrés. Parce que tu ne pouvais pas aller ni un endroit. Tu pars en Italie, oh, c'est pareil. Tu pars en France, c'est pareil. Tu pars. C'est quoi ça? Parce que, dès d'abord, moi, par rapport à la première fois que je suis rentré en Italie, toutes les consignes qu'on m'a données, j'ai respecté. jusqu'à ce qu'on m'a donné du séjour de 2 ans. Dès que le séjour de 2 ans est terminé, ils n'ont pas changé. Ils ont dit qu'ils ont changé les lois. Les gens qui ont obtenu le séjour de 2 ans n'auront plus de droit d'avoir de renouvellement de séjour. Tu comprends? Moi, j'ai souffert pendant beaucoup de gens qui avaient des séjours de 2 ans qui continuent de souffrir comme ça. Tu comprends? Alors que tu viens en France, la France te dit non, toi tu as déjà demandé asile en Italie, il faut retourner là-bas. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. L'Union européenne, pour nous, c'est une prison pour nous. Parce que tout le monde a peur de l'Union européenne, nous les étrangers. Parce que ça nous arrange pas. C'est devenu comme une prison pour nous. Une prison, tu ne pouvais pas aller. C'est pour ça que quand tu vois les gens obligés de. Tu pars en France, c'est comme ça les gens dormaient dans la rue. En Italie, les gens dormaient dans la rue. À Bruxelles, ici, les gens dormaient dans la rue. Ce n'est pas le problème des populations, c'est le problème de l'Union européenne. Parce que c'est eux qui mettent les lois qui vont souffrir les gens. C'est ça le problème. Parce que le véritable sujet, c'est ça. Parce qu'ils doivent changer ça. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont envie de prendre des immigrations. Mais à cause des empreintes, à cause d'empreintes digitales. Tu es bloqué pendant un temps. Tu es en prison. Pendant un temps, parce que moi je croyais que c'est... C'est pas, non. Moi, je suis là depuis 7 ans maintenant. 7 ans? 7 ans en Europe. Mais jusqu'à présent, c'est à cause de Dublin en Italie qui me fait souffrir. T'es depuis 7 ans en Europe, mais t'es allé à plusieurs endroits, quoi. Parce que ce qu'ils disent... Plusieurs pays, c'est ça? Non, ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent et ce qu'ils font, c'est différent. Par exemple, quand tu pars dans une office, si quelqu'un que tu as trouvé là-bas, il ne t'aime pas, il ne respecte pas les lois, ils choisissent ce qu'ils veulent, ils vont faire avec toi. Tu n'oses pas parler. Quand tu commences à parler, la loi a dit comme ça, il va appeler les policiers, mais sans contre toi, ils vont venir rapidement, ils vont t'attacher, ils vont t'amener de garde à vue. Tu ne parles pas. L'Union européenne, c'est devenu comme une prison pour les immigrés. Nous, on n'ose pas parler. On n'ose pas parler. Ce n'est pas le bénéfice pour nous. Nous, on vit à l'enfer ici. Tu vois, quand tu parles, on te dit, retourne ton pays. Alors, ce n'est pas ça les questions. Les questions... L'État est capable, tout le monde peut sortir dans cette souffrance, dans les misères. C'est l'État qui a imposé les misères. Si la misère dépasse les immigrés, ça va retourner sur les populations belges. Ça va retourner dans les populations européennes. Parce qu'il y a beaucoup d'Européens, populations européennes pensées aujourd'hui, c'est à cause de l'immigration, ils sont pauvres. Mais ce n'est pas ça la réalité. Parce que nous, les immigrés, on ne prend pas l'argent ici. Qui a des habits nouveaux ici? Qui entre nous a des habits nouveaux? Personne. Personne ne va aller dans les magasins acheter des habits nouveaux. Nous tous, on habille des habits secondaires. Des habits qu'on ramasse dans les poubelles. Alors qu'il y a beaucoup de populations civiles ici qui pensaient que c'est les immigrés. L'État prend tout l'argent, on donne des immigrés. Alors que les immigrés, moi j'ai resté ici, moi, sans un centime. Il faut que l'État change ça. L'argent, ça intéresse tout le monde. Si tout le monde gagne, c'est que tout le monde gagne son droit. Il n'y aura pas de violence dans la rue. Chacun peut marcher dans la rue en sécurité. Tu n'as peur de rien. Mais s'il y a plusieurs personnes, ils sont affamés, ne voient pas l'argent, ne gagnent pas l'argent, n'ont pas de travail, n'ont pas de documents, ils sont emprisonnés. Et si tu sors, tu vois quelqu'un avec quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu as envie de voler, tu as envie d'agresser les gens. C'est devenu peur. C'est l'État qui va causer le problème pour d'accord. Les populations civiles même. C'est l'État qui va causer le problème pour les populations civiles. Même les animaux, s'ils les empêchent de manger, tu ne les donnes pas de manger, ils vont sortir, ils vont agresser les gens. Même les animaux, surtout un être humain. Mais l'État, parce que les gens maintenant, ils voulaient prendre 100 000 euros par mois, 1 million par mois, ils s'en foutent plus de 1 million de personnes, n'ont qu'à souffrir. Ils s'en foutent de ça. J'ai posé une question qui va être proche de la fin. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite de toute cette histoire-là? Toi, tu disais pas, on va patienter, on va attendre. Hein? On attend, on patiente. Minutes. Tu dis? On a combien de minutes? On a 47. Ah, parce qu'il y a un sujet important qu'on n'a pas dit. Il y a un de nos amis du groupe qui a été arrêté. Justement, il partait pour prendre la réponse de son Dublin. C'est chrétien. Il avait fait le Dublin dans quel pays? Où ça? la Croatie. En passant par la Croatie, il avait mis ses empreintes. Du coup, une fois en Belgique, il devait attendre un certain temps pour savoir demander l'asile à nouveau. Puis, quand il est allé au service, on l'a convoqué pour prendre la réponse de son Dublin. On l'a attrapé. Des policiers l'ont attrapé. Ah ben ouais, ça fait peur alors. C'est ça le sujet? Oui, il faut que les autres aussi vous puissiez dire qu'est-ce que vous pensez de cela, Oui, ou c'est aussi la peur que vous avez d'être attrapé. Donc c'est encore plus compliqué. On doit se cacher. C'est ça, hein? Si on est dublinable, on se cache. Si on a déposé ses empreintes dans un autre pays et que le temps n'est pas passé pour demander l'asile en Belgique, pendant cette période-là, on se cache. Parce que si on se fait attraper, on est enfermé dans un centre fermé et on est renvoyé dans le pays où on a laissé ses empreintes ou dans son propre pays. Mais on se cache pas d'office quand on n'a pas de papier, que c'est les galères, tu vois, Dublin ou pas Dublin, est-ce que c'est de pas... De toute façon, on se cache toujours un peu. Mais quand on est demandeur d'asile et qu'on n'est pas dublinable, on n'a pas de raison de se cacher. On peut même faire scolariser ses enfants. Quand on est sans papier, c'est pas la même chose que d'être demandeur d'asile. C'est deux choses différentes. Un sans-papier, c'est par exemple un demandeur d'asile à qui on a envoyé un OQT, donc un ordre de quitter le territoire, et qui n'a plus de recours, mais qui reste quand même. Lui aussi, elle pourra faire scolariser ses enfants, mais elle sera toujours dans la peur. Il sera toujours dans la peur. Tandis qu'un demandeur d'asile à qui on n'a pas encore refusé l'asile et qui n'est pas dublinable, il n'a aucune raison de se cacher. Parce que si on l'arrête, on va peut-être le maltraiter, ça peut arriver. Donc vaut mieux se cacher quand même un peu. Hein. Tu vois ce que je veux dire quand t'es... La peur, c'est ce que je disais, la peur, elle est fomentée. Mais comme disait ce monsieur, à l'instant, le jour où la population belge elle-même aura faim, elle-même connaîtra la misère, il y aura une révolution. Et cette peur, à ce moment-là, elle n'aura plus lieu d'être. Les gens n'auront plus peur. Parce qu'ils auront faim, parce qu'ils auront, eux aussi auront envie de devenir, entre guillemets, criminels. Tu veux dire qu'on se mettra tous ensemble, quoi. C'est ça aussi, on se sent plus fort, on a moins peur. On s'entretuera, j'en sais rien. Oui, non, mais je ne discute pas de qu'est-ce qui va se passer. Je discute simplement de se mettre ensemble. Et du coup, on est plus fort et on n'a plus peur, quoi. C'est ça aussi. Tu dis. Oui, c'est possible que ça se passe comme ça. Moi, j'invite tous les Belges à se mettre ensemble et à dire qu'on n'est pas d'accord avec cette politique et surtout à réagir, à donner son avis, à exiger que le gouvernement prenne ses responsabilités. La justice l'a fait. Elle a condamné l'État belge 2000 fois, plus de 2000 fois. Oui, mais ça change rien. Non, l'État belge ne respecte pas les décisions de justice. Mais donc comment on fait alors? On continue. Ça d'office? Ben, il n'y a rien d'autre à faire. Ben, il faut peut-être aller se battre. On doit peut-être aller se battre. Lutter, sortir dans les rues, manifester et voilà. Et surtout réfléchir à son vote avant de le poser. Ouais, il faut encore croire au vote, hein. Ça c'est une autre histoire. Mais ouais, ça va être la fin. Alors, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Ici. Did you say you wanted to say something? Yeah, you ask about a question that if you are half afraid of that police take you to the prison and will send you back. No, to be honest, we didn't face such things. But they just took us in Belgium. They don't want us to go outside from Belgium. En fait, pour eux, la question de est-ce que c'est une peur d'être mis en centre fermé et ensuite expulsé dans leur pays, c'est non. Et c'est pas cette peur-là. C'est ça que tu dis? Ils n'ont pas cette peur-là. And then you said, to be honest. To be honest, we didn't face any bad things from the police that they took us to the prison. Ouais, ils n'ont pas eu ce genre de situation d'être embarqués par la police jusqu'au centre fermé. Because they just want us to. Parce que, en fait, en réalité, leur situation, c'est que la police belge veut qu'ils restent en Belgique. Yeah. Is that right? That the Belgian police want you to stay in Belgium, and that's pourquoi to be stay in Belgium. She's asking why. I don't know because they don't let us to go another country. Je sais pas parce que ils nous laissent pas aller dans un autre pays. Yeah, my some friends they went to des London. Ils sont allés à Londres. UK. Because there is no Dublin system, parce so qu'il n'y a pas le Belgian système de Dublin can't tell them et le that send gouvernement it, send belge ne peut pas les ramener and de Londres. Some friends, they were in France. Et d'autres amis étaient en France to, et le gouvernement belge les a fait revenir en Belgique de France. Oui, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi quelqu'un sait. Pourquoi Pourquoi Do you think you can find the reason why the Belgian government would want you to stay here? I don't know because I'm just new here. I don't have il est ça fait pas longtemps qu'il est ici, il est pas sur les réseaux sociaux pour se renseigner là-dessus. I don't know what the government wants to do on us in Belgium. Il ne sait pas ce que le gouvernement belge veut de eux en Belgique. Yeah, that's the thing. Toi, tu sais, Binta? Par rapport à cette procédure... Non, mais même pas la procédure. Fin... Le gouvernement belge, bon, je regrette de dire, lui et celui qui a été mis en centre fermé, c'est la même chose. Et s'ils ont envie de t'expulser, ils le feront. Je ne pense pas qu'ils veulent spécialement que vous restiez en Belgique. Au contraire, ça gêne, ils ne veulent pas les loger. Mais quand on dit les empreintes là, qui durent 6 mois, c'est quand même une manière d'obliger... quelqu'un à rester dans un pays. Tu vois, sinon... Sauf qu'entre les 6 mois, on peut t'expulser. Entre quoi, tu dis ? Dans les 6 mois, c'est comme le gars qui est allé pour chercher sa lettre et qu'on l'a expulsé gratuitement. Donc, tu n'es pas forcément protégé dans les 6 mois. Mais bon, peut-être qu'un juriste sait dire mieux. Mais moi, je ne suis pas sûre que tu es protégé quand... Quand tu parles de protection, ça veut dire... Qu'on ne t'expulsera pas. Qu'on a envie que tu restes. Ben, ouais. D'accord. Ce que je comprends, c'est que tu fais les empreintes, tu es obligé de rester dans le pays pour faire ta demande d'asile, mais ça n'empêche pas de se faire expulser même avant ces 6 mois. C'est ça que tu dis. C'est ça que je pense. Mais voilà, je ne suis pas juriste encore, mais voilà. We will leave everything behind, but the main thing right now we want is to provide us shelters. En fait, on va tout laisser sur le côté parce que la réalité maintenant, c'est que ce qu'on veut, c'est avoir un abri. It depends on government, whatever they do. Ça dépend de ce que décidera le gouvernement. Okay, it's politics or whatever, but right now the en want fait, of all refugees le besoin to provide de nous centers tous ici, c'est qu'on nous on nous fournisse des centres the rights of oui, the oui, rights oui. Of ça oui qu'on respecte les droits des réfugiés. The rights of refugees, that's it. We don't want anything else. We don't want euros to give us thousand euros. We just want on our rights. On veut pas des milliers d'euros, des milliers d'euros, on veut juste le respect de nos droits. Yes, that's finished. Et si jamais, juste une dernière, il reste 2 minutes, si jamais l'État continue à faire la sourde oreille et tout, tu vas vivre ça comment ? Mm-hmm. Oh. If they continue to leave you in this condition, what you will do ? I will provide centers to all refugees. If I don't have place for refugees, I will stop the center of asyl. I will not accept refugees. I will tell the European Union that we don't have place. We cannot accept any more refugees. Je pense qu'il y a une confusion. Je crois que pour lui, la question qui vient d'être posée, c'était « Tu ferais quoi si tu étais le gouvernement ?» Et que sa réponse à cette question-là, ce serait de dire « Moi, j'accepte plus de réfugiés. Oui. » Attends, là, moi, j'ai... En effet, il y a une confusion. Il y a une confusion. What do you want you to do if they continue to treat you like now? Have you an idea what will you do in your future? You, not the government. I will leave this country. Qu'est-ce qui se passe? Je vais partir ce pays. Yeah, I will leave. Si les conditions ne changent pas, je vais partir et j'irai au Royaume-Uni. Tu continues ta route, quoi. I cannot go to another European country. Parce que je ne peux pas aller dans un autre pays européen. The Belgian government wants me again to come to Belgium. La Belgique va me faire revenir en Belgique. Oui, oui, j'ai compris. On a compris ça. Ouais, ouais. Mais donc, ouais. Ok. On termine. Ça va? Finish. Finish, yeah. Allez. Bon retour demain. Hein.